Merci Jésus. Merci de me faire entrer dans ton sanctuaire, Seigneur Jésus. dis merci, Seigneur. Merci, Jésus. À cause de ta présence. Alléluia. À cause merci, de ta Jésus. Gloire. Merci. Ce soir, oh, merci. Merci, merci Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ceux qui n'ont été, bah, mon souci, cause à la télé. Merci. Merci, Seigneur. Souviens-toi de son amour pour toi. Dis merci, merci à ton Seigneur. Merci, Seigneur. Tombola merci. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, mon roi. Seigneur, te dire merci est un bonheur pour moi. Seigneur, merci, Jésus. Te dire merci, c'est cette marque de reconnaissance. N'ayons sur mon tueur sali pour l'angai. Je vois tout le monde. Pour l'amboka, oyo. Oyo sala qui n'a eu que sala. Pour te bon zambé, n'a eu mon ana. Pour te Afrique, et toi, toi, là, et toi, les alliés zambé, la Congo. Alléluia. Au-dessus de tout ce qui existe. Mais chaque puissance se voit comme elle est nue. Pourquoi ne pas te dire merci dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Pourquoi ne pas faire un chant d'amour. Merci d'être ici. Yambalo yemba emite manabi sonkolo. Oye sopani libosana yoko tato le tezali ensemble.